إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui maintenant le cours 18 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Al-Bassam rahimahullah. Et on est arrivé donc au chapitre de At-Tayammum, chapitre 6 dans Kitab al-Tahara. On a commencé hier, on a lu le premier hadith de ce chapitre qui est le hadith numéro 38, yani selon la version, parce que il y a différentes éditions de Umdatul Ahkam et le numérotage des hadiths parfois diffère d'une version à l'autre. Dans certaines versions, il se peut que ce ne soit pas le même numéro. Si c'est le cas, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que, en fait, qu'est-ce qui arrive dans certaines éditions? C'est que dans certains hadiths, le cheikh qui a écrit le livre, il a mentionné des narrations, différentes narrations du même hadith parfois. Et certains éditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont numéroté chaque narration différente. Ils ont numéroté les différentes narrations que l'imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi a mentionné dans le livre. Tandis que d'autres ont mis toutes les narrations du même hadith ensemble, ils l'ont numéroté avec un seul numéro. À la fin, il y a une petite différence entre le numérotage d'une édition à l'autre. Il faut comprendre ça. Naam. On a lu au dernier cours le hadith, comme on a dit, le hadith numéro 38, qui est le hadith. C'est le hadith 37 qu'on a lu. Donc le hadith 37. Selon Imran ibn Hussein, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme à l'écart alors que les gens faisaient la salat, et il a dit: ô toi un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec les gens? Et il a dit: ô messager d'Allah, j'ai été atteint par la janaba, c'est-à-dire j'étais dans un état d'impureté majeure et je n'ai pas pu trouver de l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dans ce cas-là, utilise la terre, cela te suffit. Donc ça, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc ça, c'est quelques points bénéfiques au sujet de ce hadith. Maintenant, on va lire le hadith suivant dans Umdatul Ahkam, qui est le hadith rapporté selon Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأنجبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أي نعم. Donc, qu'est-ce que signifie ce hadith? C'est un hadith dans lequel Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, il mentionne qu'il a été envoyé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire quelque chose, une mission quelconque, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé remplir ou faire pour lui. Et pendant qu'il était parti faire cette chose, pendant le voyage, il a été atteint par la janaba. Donc il a eu il a été en état d'impureté majeure. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas trouvé d'eau. Alors il s'est roulé dans la terre. Il s'est roulé dans la terre comme le font les bêtes, les animaux. Subhanallah. Parce qu'il savait pas comment faire le tayammum. Alors il s'est roulé dans la terre en pensant que c'était comme ça qu'on devait faire le tayammum lorsqu'il n'y avait pas d'eau. Subhanallah. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et puis il lui a mentionné ce qu'il avait fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il te suffisait uniquement de faire ainsi avec tes deux mains. Et il a dit, il a montré qu'il a frappé la terre avec ses mains, un seul coup sur la terre, puis il a frotté la main gauche sur la main droite, puis le dessus de ses mains et son visage. La main gauche sur la main droite, et le dessus de ses mains, puis son visage. Et c'est ça qu'il a fait donc. C'est ça qu'il lui a enseigné de faire pour faire le tayammum. Et ça c'est le hadith en question qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh explique les mots qui sont mentionnés dans le hadith. فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ. Il explique, il dit تَقَلَّبَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى عَمَّ بدنه التراب. C'est-à-dire il s'est roulé sur la terre, il s'est roulé dans la terre jusqu'à ce que il soit complètement rempli de poussière. Tout son corps était rempli de poussière. Et ensuite il dit wa an taqula bi yadayka yurad bil qawl al fi'l wa huwa kathir fi lisan al shar' wa lughat al arab. Le professeur Hassan dans le hadith il dit إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. C'est-à-dire, il dit, il te suffisait de dire ainsi avec tes mains. Et qu'est-ce qu'on veut dire par dire avec tes mains? C'est en fait l'action. Et parfois, on exprime en arabe, pour dire une action, on utilise l'expression de la parole. C'est-à-dire, comme si tu dis avec tes mains comme ça. En français on dit tu fais ceci avec tes mains, mais en arabe on peut dire tu fais ceci avec tes mains, taf'alu, mais on peut aussi dire taqulu, tu dis, mais dans le sens de faire. Et ça c'est souvent employé dans la langue arabe et également dans la langue de la sharia et dans le langage de la révélation. C'est en même temps, parfois, les ulama de Ahl-Sunnah, ils l'utilisent pour prouver que les actions font partie, la parole fait partie des actions aussi, dans l'iman, dans la foi. Puisqu'on dit que la foi, c'est les paroles, la croyance du cœur, les actions du corps et la parole de la langue. Naam. Donc la parole de la langue, c'est aussi une action. Naam. Donc, al-ma'na al-ijmali, le sens général de ce hadith, il dit, le sheikh, ba'ath al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, fi safarin li ba'di hajatih, fa'asabathu janabatun, falam yajid al-ma' niyagtasil minhu. وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أم أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. أي نعم ما شاء الله تبارك الله. Donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم avait envoyé Ammar ibn Yasir pour faire un voyage pour lui, aller chercher quelque chose, et pendant le voyage il a été atteint par une impureté majeure, la janaba. Alors, il n'a pas trouvé d'eau pour se laver. Et le cheikh explique que Ammar ibn Yasir connaissait le verdict du tayammum pour l'impureté mineure. Mais il ne connaissait pas le verdict du tayammum pour la janaba. C'est-à-dire, il ne savait pas si on pouvait faire le tayammum lorsqu'on était junub, l'impureté majeure. Mais il connaissait uniquement le verdict pour l'impureté mineure, pour faire, lorsqu'on ne peut pas faire le wudu, parce qu'on a une impureté mineure, on fait le tayammum, ça il connaissait. Mais l'impureté majeure, comme la janaba, il ne savait pas. Alors, il a fait un ijtihad, et il a pensé que, étant donné que lorsqu'on a une impureté mineure, on frotte uniquement certains membres, pour remplacer le wudu, alors il s'est dit que pour remplacer le rusul de la janaba, il fallait faire quelque chose comparable, dans le sens que, étant donné que dans le rusul tout notre corps doit toucher à l'eau, doit être touché par l'eau, donc il s'est dit dans ce cas-là probablement que le tayammum pour l'impureté majeure, ça doit être de faire en sorte que la terre toute touche tout notre corps au complet. Ça doit être notre corps en entier qui est touché par la terre, pour faire une analogie avec qu'est-ce qui se passe avec l'eau lorsqu'on fait le rusul. Et donc il s'est roulé dans la terre, puis il a fait la salat. Alors lorsqu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il avait un doute à propos de ce qu'il avait fait, parce qu'il s'est basé sur un effort d'analogie de sa propre initiative, et qu'il n'avait pas de connaissances explicites et claires sur ce sujet-là, et bien quand il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé est-ce que ce qu'il avait fait était correct ou non. Et c'est à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il te suffisait plutôt, au lieu de rouler ton corps au complet dans la terre, tu n'avais qu'à frapper tes mains, tu n'avais qu'à frapper le sol un coup avec tes mains, et à frotter ta main gauche sur ta main droite, et le dessus de tes mains, de tes deux mains, et ton visage. D'accord? Donc ça c'est l'explication générale du sens de ce hadith. Ensuite, le cheikh Al-Bassam, hafizahullah, rahimahullah, il mentionne maintenant certaines divergences entre les ulama au sujet du tayammum. Parce qu'il y a effectivement entre les ulama des divergences au sujet du tayammum. Et beaucoup de gens connaissent des positions des ulama sur le tayammum, mais ils ne connaissent pas toujours la réalité qu'il y a parfois certaines divergences aussi. Donc, si vous entendez parfois des choses que vous avez apprises, parce que c'est possible parfois qu'on a étudié le fiqh avec quelqu'un, avec un sheikh, ou avec un talib ilm, et qu'on a appris les choses d'une façon par rapport à la position de ce sheikh, et que par la suite on écoute un dars d'un autre alim, un autre sheikh, ou un autre talib ilm, et il nous enseigne quelque chose qui est différent de ce qu'on avait appris avec le premier cheikh qui nous avait enseigné, ou le premier talib ilm qui nous avait enseigné. Parce que le fiqh, c'est pas comme l'aqida et le manhaj. Le fiqh, c'est quelque chose qui est parfois ouvert à des divergences d'opinion et des analogies, des ijtihads des ulama. Donc, il ne faut pas être étonné de ça, et il ne faut pas être choqué de ça en même temps. Il faut comprendre d'où viennent ces divergences-là et pourquoi elles sont là, et comment gérer, comment agir face à ces divergences. C'est certain que en premier, lorsqu'on apprend le fiqh, on ne commence pas par apprendre les divergences. On commence par apprendre ce qui est clair des preuves du Coran et de la Sunna. Mais c'est bien quand même aussi de connaître les divergences, justement parce que ça fait en sorte qu'on devient plus, d'une certaine façon, plus compréhensif envers les autres. Et on arrive mieux à gérer l'attitude qu'on doit avoir face à celui qui a une divergence dans la façon de faire certaines choses qui font partie de l'adoration et qui est basée sur l'ijtihad des ulama. Donc, il faut bien distinguer la différence entre les questions d'aqida et les questions de manhaj, qui, là, dans ces choses-là, il n'y a pas de place à l'ijtihad et aux divergences. C'est des questions qui sont fixées, et on n'a pas le droit de diverger là-dedans et d'avoir des différentes positions. Mais dans les questions de fiqh, ça, il peut y avoir des divergences qui sont basées sur les opinions des ulama, qui sont basées sur des ijtihads. Et il ne faut pas non plus prendre l'attitude des gens de bid'ah, des hisbiyin, parfois, qui, eux, essaient d'appliquer le principe par rapport au fiqh à la aqida et au manhaj. Et puis, qui essaient de dire ou de faire comprendre aux gens, de faire croire aux gens que la divergence dans l'aqida et dans le manhaj et dans les fondements de la religion, que c'est la même chose que les divergences dans l'ijtihad des fuqaha dans le fiqh. Et ça, c'est tout à fait incorrect et faux. Il y en a qui disent non, il faut être ouvert à toutes les divergences, il faut accepter les sectes, il faut accepter les mubtadi'a, il faut accepter les différentes bid'a, il faut accepter le pluralisme religieux, les divergences d'opinion, il faut être ouvert à toutes les divergences. A'udhu billah. Ça, c'est quand vous entendez des gens qui parlent comme ça, vous savez que c'est des égarés. Nasallallahu ala afia. Donc, alhamdulillah. Donc, le cheikh, il parle ici, il mentionne certaines divergences des ulama par rapport au tayammum. Il dit, اختلاف العلماء, اختلاف العلماء, هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين؟ وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ Donc c'est ça, c'est deux points de divergence que le cheikh a mentionné. Même Oui, c'est ça, deux points. Est-ce qu'il suffit d'un seul coup, quand on frappe la terre, pour les mains et le visage, ou est-ce qu'il faut qu'il y en ait deux? On frappe deux fois. Parce qu'il y a des ulama qui ont dit, on frappe une seule fois, et il y a d'autres ulama qui ont dit, on frappe deux fois. Une fois pour les mains, une fois pour le visage. Et un autre point aussi, c'est, est-ce qu'il faut frapper, quand on a, après avoir frappé, est-ce qu'il faut essuyer seulement le dessus de la main ou de la main jusqu'au coude? Donc il y a aussi cette divergence-là. Il dit, وذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين محتجين بأحاديث ومنها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان مستدلين بأحاديث صحيحة ومنها حديث عمار هذا وقال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده. Donc le cheikh il dit que certains parmi les ulama et parmi eux l'imam al-Shafi'i il a l'opinion qu'il faut frapper deux coups, deux fois la terre, une fois pour le visage et une autre fois pour les deux mains jusqu'au coude. Et il se base sur des hadiths. Parmi les exemples de hadiths qu'il utilise, c'est le hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni selon Ibn Umar, qui dit que le tayammum est de frapper deux fois, une fois pour le visage et une fois pour les deux mains jusqu'au coude. Il dit, mais la majorité des ulama, et parmi eux l'imam Ahmad, l'imam Al-Awza'i, l'imam Ishaq et les gens du hadith de façon générale, sont eux de l'opinion qu'il faut frapper une seule fois la terre lorsqu'on fait le tayammum, et qu'on essuie le visage et les mains jusqu'au poignet, pas jusqu'au coude. Et il se base sur ça, sur des hadiths authentiques. Sur des hadiths authentiques, et parmi ceux-ci le hadith de Ammar qu'on vient de lire. Et Al-Hafiz ibn Hajar il dit que Ammar, c'est ça qu'il donnait comme Ammar ibn Yasir le sahabi radiyallahu anhu, c'est en se basant sur ça qu'il donnait, sur qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'il donnait la fatwa après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était lui le rapporteur du hadith. Et il connaît plus donc sa signification, puisque c'est à lui que c'était arrivé et c'est lui qui l'a rapporté. Naam. Wa ajabu an ahadith darbatain wal mirfaqain bima fiha min al maqal al mashhur. Ay naam. Wa la naj'al tilka al ahadith fi saff al ahadith al sihah al wadiha. قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي من ضربتين فكلها مضطربة وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. Donc le cheikh il dit que ils ont répondu au hadith qui mentionne les deux coups, ou de frapper deux fois la terre et de frotter jusqu'au coude, en disant la parole qui est bien connue à propos du hadith en fait. Le hadith en question qui mentionne les deux coups, eh bien il n'est pas, son authenticité n'est pas forte. Il n'était pas au même degré que les autres hadiths qui mentionnent un seul coup. Et donc il dit, on ne doit pas mettre ces hadiths-là au même degré, au même rang que les hadiths authentiques et clairs. Et l'imam Ibn Abdul Barr, il mentionne que la plupart des narrations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Ammar mentionnent une seule fois, frapper la terre une seule fois. Et ce qui est rapporté qui mentionne de frapper la terre deux fois, eh bien ce sont toutes des narrations qui sont contradictoires ou bien qui ont des problèmes. Et Ibn Daqiq al-Aïd, un des ulama justement qui a écrit un charh du livre Umdatul Ahkam, et il a un charh très célèbre justement qui s'appelle Ihkamul Ahkam, charh Umdatul Ahkam. Donc dans ce charh, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Daqiq, ou le Cheikh Ibn Daqiq al-Aïd? Il dit que les hadiths, il y a des hadiths qui mentionnent de frapper deux fois la terre, une fois pour le visage et une fois pour les mains, excepté que l'authenticité de ces hadiths-là n'est pas au même niveau et ne peut pas être placée au même niveau que celle des hadiths authentiques qui mentionnent de frapper une seule fois. وقال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا المذهب الصح في الروايات أو الصح في الرواية. نعم. Donc il dit que l'imam al-Khattab, il dit que certains parmi les, ou bien dit plutôt un groupe d'entre les hommes de science, ont pris la position qu'il faut, dans le tayammum, frapper la terre une seule fois pour le visage et pour la main, et pour les mains. Et cette position est la plus authentique dans la narration, par rapport à la narration. Donc ça, c'est ce que le cheikh a mentionné comme divergence. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres divergences que ça. Il y a plus de divergences que ça par rapport au tayammum. Il y a des divergences par rapport au tayammum. Par exemple, il y a la divergence à savoir est-ce qu'il faut frotter le visage en premier ou les mains en premier. Hein? Donc il y a des ulama qui disent il faut frotter le visage en premier. Parce que dans le verset dans le Coran qui mentionne le tayammum, il y a la mention du visage en premier, puis ensuite des mains. D'accord ? وَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Donc de frotter votre visage et vos mains. Puis il y a des narrations de hadith aussi qui mentionnent de frapper la terre un coup, puis de souffler sur les mains pour enlever ce qui est de surplus de poussière, puis de ensuite frotter. Donc tu tapes sur le sol avec tes mains, tu souffles dessus et tu passes tes mains sur ton visage et sur tes mains ensuite, le dessus de tes mains. Donc ça c'est une des exemples de divergence. Donc il y a des ulama qui disent c'est le visage en premier. Et ça c'est la position la plus forte, inshallah, parce que elle est supportée par le verset. Tandis qu'il y a d'autres ulama qui mentionnent que tu peux faire un ou l'autre. Tu peux faire les mains en premier puis ensuite le visage, puisqu'il y a des narrations qui mentionnent cela. Donc il y en a qui considèrent que c'est tu peux faire ça ou autre. Il y a une divergence aussi par rapport à la question est-ce que c'est seulement la terre qui peut être utilisée pour faire le tayammum, ou bien on peut utiliser tout ce qui est au-dessus de la terre, que ce soit du sable, de la poussière ou autre. Donc, dans ce cas-là, le ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que tout ce qui est sur la surface de la terre, tu peux l'utiliser pour faire le tayammum. Donc, ce n'est pas obligé d'être spécifiquement de la terre sur laquelle il y a de la poussière. Ça peut être aussi de la poussière ou du sable ou autre. Et il se base sur le sens du verset qui dit « Fatayammamu sa'idan tayyiba » et « as-sa'id » c'est tout ce qui est au-dessus de la terre. Donc tout ce qui a de la poussière dessus, peu importe, même le mur ou le tapis ou des pierres, de la brique, du ciment, n'importe quoi, hein, une pierre, une roche, s'il y a de la poussière dessus, tu peux faire le tayammum avec. Et il y a la question aussi qui est importante peut-être à mentionner, et que peut-être certaines personnes, ce serait bien pour eux d'être au courant de ça, c'est que supposons que tu es dans un endroit, que tu es pris dans un endroit où il n'y a ni d'eau ni de poussière. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu es quelque part, et à l'endroit où tu es, tu ne peux pas sortir, et il n'y a pas à disponibilité, il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de poussière pour faire le tayammum. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh bien, dans ce cas-là, les ulama ont dit, dans ce cas-là, même tu pries sans wudu et sans tayammum. Hein? Tu pries sans wudu et sans tayammum. Pourquoi? Parce que tu peux pas trouver de l'eau et tu peux pas non plus faire le tayammum parce qu'il n'y a pas de poussière. Donc, dans ce cas-là, t'es excusé de prier et ta prière va être valable. Hein, tu pries sans wudu, sans poussière. Naam. Un autre exemple aussi de divergence qui existe, c'est quoi encore comme exemple? En tout cas, il y a d'autres qui m'échappent en ce moment. Je me souviens plus de toutes les divergences ou tous les exemples de divergences, mais c'est juste pour savoir que en fait, il y a ces questions-là, ces divergences-là. Ah oui, non. Il y a des divergences aussi sur le fait que certains ulama ont dit, par exemple, que supposons qu'il y a certaines parties de ton corps, t'as suffisamment d'eau pour laver une partie de ton corps, c'est-à-dire certains membres, tu peux faire le wudu, mais t'en as pas assez pour d'autres parties de ton corps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Certains ulama ont dit, dans ce cas-là, tu fais le wudu avec l'eau que tu as pour les membres que tu es capable de laver, puis pour le reste de qu'est-ce que tu peux plus faire comme avec le wudu, t'as pas assez d'eau pour compléter, donc tu fais pour le reste le tayammum. Hein? Aussi, par exemple, par rapport à la personne qui porte un pansement ou un plâtre, hein? Certaines parties de son corps sont cachées ou sont bloquées parce qu'il a une blessure ou quelque chose et ne peut pas toucher à de l'eau, ou que l'eau ne peut pas toucher à cette partie-là. Alors, certains ulama ont dit, donc, dans ce cas-là, il fait le wudu pour les membres qu'il est capable de laver avec l'eau, puis l'endroit où il y a un pansement ou un plâtre ou quelque chose, eh bien, il le fait uniquement passer sa main par-dessus, sa main mouillée par-dessus. Ou bien, il peut faire le wudu pour les parties qu'il peut laver, puis il fait le tayammum pour le reste. Certains ulama, par contre, eux, considèrent que non, tu n'as pas besoin de faire comme ça, moitié-moitié. Tu peux te limiter uniquement à faire le tayammum seulement. Hein, que ça suffit. Non. Donc ça, c'est des exemples comme ça de différentes positions qui existent entre les ulama sur ces sujets-là. Bon, et donc maintenant qu'on a parlé des divergences, on va maintenant mentionner qu'est-ce qu'on peut tirer comme preuve du hadith en question qu'on a ramené, puis ça va clarifier donc beaucoup de choses. Parce que il y a aussi un autre point aussi, c'est qu'il y en a dans les livres de fiqh, vous allez lire par exemple que certains ulama ont limité le tayammum. Ils ont dit tu peux seulement avec un tayammum faire une seule prière obligatoire. Hein? Ça c'est incorrect. Tu peux faire, quand tu fais le tayammum parce que tu n'as pas d'eau, eh bien ça remplace l'eau. Dans le sens que tout ce que tu peux faire avec le woudou, tu le fais avec ton tayammum. Donc avec ton woudou, tu peux faire plus qu'une prière si par exemple tu fais ton woudou jusqu'à ce que tu n'aies pas perdu ton ablution, tu peux faire plusieurs prières obligatoires avec le même woudou. La même chose, tu peux faire plusieurs prières obligatoires avec le même tayammum. Naam. Donc ça c'est un point qui est important aussi. Et parce qu'il y en a qui pensent qu'ils doivent refaire le tayammum à chaque fois qu'ils vont faire une autre prière. Il y a aussi d'autres points comme ça que vous trouvez mentionnés dans les livres de fiqh, selon les différents madhahib, mais il n'y a pas nécessairement des preuves qui supportent ces positions-là. Donc c'est pour ça que yani, vous lisez par exemple ces exemples-là. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, si vous lisez leur explication par exemple de Zad al-Mustaqni', eh bien ils font le tarjih. Ils vont mentionner les différentes positions des ulama sur ces différentes questions-là. Ils vont mentionner qu'est-ce que le madhhab al-Hanbali dit, puis ils vont expliquer qu'est-ce que c'est le rajih, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la position correcte par rapport à ces questions-là. Ils vont pas suivre aveuglément le madhhab, hein, puisque les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et les gens qui suivent la voie de la compréhension des salaf al-salih, ils ne suivent pas un madhhab aveuglément. Et ne suivent pas aveuglément l'ijtihad des ulama, mais ils retournent aux dalil et aux preuves. Et si quelque chose contredit la preuve, eh bien, ils le laissent, même si c'est dans leur madhhab. Donc, quand vous allez voir, par exemple, le sharh de Cheikh Ibn Uthaymeen à ce sujet-là, donc il va expliquer des choses par rapport à qu'est-ce que l'auteur de Zad al-Mustaqni' a écrit. Puis, il va faire une explication de ça. Après, à la fin, il dit « Was-sahih kaza ». On va dire « Bon, mais la position correcte, c'est celle-ci ». Et il contredit la position du madhhab, ou la position de l'auteur du livre. Et la même chose pour Cheikh Al-Fawzan. Il est dans son sharh, c'est la même chose. Et la plupart des ulama, c'est comme ça. Quand ils expliquent les livres de fiqh, ils ne vont pas répéter aveuglément et accepter tout ce que le madhhab enseigne à propos d'une question. Hein? Donc ça, c'est la même chose pour les autres madhhab aussi. Donc c'est le cas pour les hanabila, pour les ulama du madhhab al-hanbali, qui sont sur la sunna, et la même chose aussi pour les ulama qui sont sur le madhhab shafi'i ou maliki, ou Hanafi, et qui sont Salafi, qui sont sur la voie d'Ahl Sunnah, eh bien, ils ne vont pas suivre aveuglément tout ce qui est enseigné dans le madhhab, juste parce que c'est leur madhhab, mais ils vont retourner au dalil et à la preuve. Ils ne vont pas suivre le dalil aveuglément. Ensuite, il dit وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Il dit أولا التيمم للغسل من الجنابة. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce hadith là comme règle par rapport au tayammum? C'est que le ghusl, il peut être fait le tayammum peut être fait pour remplacer le ghusl de la janaba. Donc le tayammum, c'est pas seulement pour l'impureté mineure, mais c'est pour aussi enlever l'impureté majeure. نعم ثانيا وأنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. Deuxièmement, il faut absolument chercher l'eau avant de pouvoir faire le tayammum. Donc si par exemple quelqu'un, par exemple, il est dans une ville, à l'intérieur de la ville, puis il y a de l'eau partout, dans ce cas-là, il ne peut pas faire le tayammum. Parce que l'eau est disponible partout. Le tayammum, tu peux seulement, dans ce cas-là, le faire si tu le fais par rapport au fait que il n'y a pas d'eau. Donc, dans ce cas-là, tu le fais lorsque tu es dans un endroit où vraiment il n'y a pas d'accès à de l'eau du tout. Hein? Donc, si tu es, par exemple, quelque part, puis que tu peux avoir accès à de l'eau, soit que tu peux en acheter, soit que tu peux tourner le robinet, puis tu vas avoir de l'eau, tu n'as pas d'excuse dans ce cas-là de faire le tayammum, à moins que la raison pour laquelle tu fais le tayammum, c'est par rapport à une raison de santé ou médicale, ou par rapport, par exemple, au froid intense, hein, comme par exemple ici des fois l'hiver quand il fait moins 40, moins 30, en dessous de zéro, donc là, ils disent, bon, dans ce cas-là, si tu crains que ça risque d'être dangereux, dans ce cas-là, tu peux faire le tayammum, parce que c'est des froids intenses, ou bien des fois quand l'eau est tellement gelée que l'eau te brûle les mains à cause que l'eau est tellement froide, puis qu'il n'y a pas moyen de la réchauffer. Donc, ça aussi, c'est des cas exceptionnels. Ou bien sinon, si quelqu'un il a une blessure sur la peau ou quelque chose, un pansement, ou disons une blessure qui fait que s'il met de l'eau dessus, ça risque de l'empirer. Ou des fois, il y a des gens qui ont des maladies de peau ou des choses comme ça. Ça, c'est des cas comme ça, oui. Mais sinon, si c'est juste parce que, par exemple, tu as de la difficulté à trouver de l'eau, il faut vraiment être certain que tu ne peux pas en trouver. Il faut que tu cherches. Sinon, si c'est juste comme ça, tu dis « Ah, je n'ai pas d'eau », ce n'est pas suffisant. Il dit « Sifatut tayammum ». Comment on fait le tayammum ?« Wa huwa darb al-ard marratan wahida ». ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. أي نعم. وليس في حديث عمار الذي أخذنا منه هذه الأحكام ليس فيه مسح اليدين إلى المرفقين بل صريحه الاقتصار إلى الكفين وهو مذهب الجمهور نعم الشارح. Donc la description du tayammum, c'est que tu frappes une fois le sol, puis tu frottes ton visage et les mains. Et ici il dit il a le mirfaqin, il dit jusqu'au coude, mais je ne sais pas pourquoi il dit ça, puisque dans le charh il a même dit, dans l'explication de la divergence des ulama, il a même mentionné que ce n'était pas la position correcte. Donc en réalité il dit ici en note de bas de page, il dit ça c'est pas tiré du hadith de Ammar, mais on l'a pris de d'autres règles. Mais sinon il dit de frotter jusqu'à la main, c'est ça ce qui est plus correct. C'est-à-dire jusqu'au poignet. C'est ça qui est le plus correct selon Ibn Rushd, qu'est-ce qu'il a expliqué. Et beaucoup, comme le Jumu'ah, c'est la position de la majorité des ulama aussi. Hein, donc tu frappes le sol une fois avec tes mains, puis ensuite tu peux souffler sur tes mains, ou sinon tu passes tes mains sur ton visage comme ça directement, ou bien tu souffles dessus si tu veux enlever le surplus de poussière qui dépasse et les roches qui sont collées, et ensuite tu passes ta main gauche sur ta main droite et ta main droite sur ta main gauche sur le dessus de la main. Non. Donc ça c'est la façon dont on fait le tayammum. Certains ulama ils mentionnent aussi le fait de dire le bismillah avant. Mais ça aussi, ça fait partie des divergences. Je veux dire, tous les ulémas ne sont pas d'accord nécessairement que c'est obligatoire de dire le bismillah comme pour le wudu. Donc il y en a qui font des analogies entre le wudu et le tayammum, mais les ulémas, il y en a qui expliquent que ce n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel on peut faire des analogies. C'est-à-dire, il y a des différences entre le wudu et le tayammum. D'accord? Et donc ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a des différences entre les deux, donc on ne peut pas nécessairement faire des analogies sur tous les points entre les deux. Ensuite il dit, comme point numéro 4, ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد وتفيد العطف المطلق وجاء بالفاء وثم وثم وتفيدان الترتيب والترتيب زيادة والزيادة من العدل مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. Donc ici il mentionne la question du tartib, c'est-à-dire de l'ordre. Et ça c'est, comme on a dit, une des questions qui font partie des questions de divergence entre les ulama. Est-ce que tu dois faire le visage avant les mains ou les mains en premier et après le visage? Et il mentionne à ce sujet-là les paroles de Al-Sanani, l'imam Al-Sanani, le cheikh Al-Sanani, à propos de cette question-là. Puis lui, il prétend que yani, l'ordre est important et qu'il faut en tenir compte. Et il dit que si tu prends tout ce qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, eh bien ça indique qu'il faut respecter l'ordre et qu'il faut commencer par yani le visage et ensuite les mains et non pas les mains et le visage. Et il dit que le contraire, le visage en premier puis les mains après n'est pas rapporté ni en parole ni en action de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il y a des narrations qui mentionnent les mains en premier. Donc, je ne vois pas pourquoi, ici, l'imam As-Sanani mentionne ça, puisque dans la narration qu'on vient juste de lire, il y a la mention justement des mains avant le visage. Donc, Allahu A'lam. Et il dit le point numéro 5 ensuite, « أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام » Il dit que les deux tayammum, c'est-à-dire le tayammum pour l'impureté majeure et l'impureté mineure, c'est le même. Et il a la même description et les mêmes règles. Donc il n'y a pas de différence. Que ce soit le tayammum que tu fais pour la janaba ou pour l'impureté mineure, yani les deux c'est la même description et c'est le même tayammum. Ensuite, il dit le point numéro 6, al-ijtihad fi masail al-ibadat. Hein? Il y a dans le hadith ici quelque chose qui indique que les sahaba ils faisaient des analogies, ou plutôt ils faisaient des efforts de jugement dans les questions d'adoration. Et bien entendu, quand ils le faisaient, ils retournaient toujours au. Il retournait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir son verdict par rapport à ce qu'il faisait. Il dit le point numéro 7, أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. Donc il explique que dans le hadith il y a une preuve à propos d'un point important, c'est que si le savant, le mujtahid, lorsqu'il a fait un ijtihad, et qu'il il s'est trompé dans son ijtihad, et qu'il a fait l'adoration, une fois qu'il a compris ou qu'il a su ce qui est correct, il n'a pas à refaire l'adoration en question. Il n'a pas à la refaire, parce qu'il s'est basé sur son ijtihad. Il a fait un effort pour essayer de connaître le verdict par rapport à la chose en question et il s'est trompé. Donc il n'a pas à la refaire encore une fois. Et il y a un dernier hadith qui est mentionné dans le chapitre de Tayammum, c'est le hadith 38, le hadith précédent qui était le hadith 37, le hadith de Ammar. Donc le hadith 38, عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأول يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم. donc le cheikh il mentionne selon Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a donné cinq choses qu'aucun autre prophète avant moi n'avait reçues. La première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la victoire par la crainte qu'il envoie dans le cœur des ennemis de la distance d'un mois. Donc il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans la victoire sur leurs ennemis en mettant dans leur cœur une crainte, une peur, et yani cette crainte là elle est d'une distance d'un mois, c'est à dire que les gens de très loin ils entendent yani parler de l'islam et des musulmans et ils sont pris d'une peur et de cette crainte, hein. Ça, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a donné en particulier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et également, on a fait que la terre soit pour moi un lieu d'adoration et de purification. Donc, peu importe qui, peu importe où la personne de ma umma est, lorsque vient le temps de la prière, alors elle peut prier à cet endroit-là. Hein? Peu importe où se trouve la personne de ma umma au moment où entre la prière ou vient le moment de la prière, alors qu'il prie là où il est. Le point numéro 3, parmi les choses que il a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est spécifique à lui, c'est que les butins de guerre lui ont été permis, c'est-à-dire que il a le droit de les prendre, tandis que auparavant elle n'avait jamais été permise à quelqu'un un autre d'entre les prophètes. Et le point numéro 4, et on m'a donné également l'intercession, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu une intercession qui lui est particulière. Il y a des intercessions qui sont générales pour tous les prophètes, mais il y en a des intercessions qui lui sont spécifiques, hein? Et il mentionne comme cinquième point, parmi les particularités des choses qui ont été données, les choses particulières qui ont été données que au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les peuples, à tous les hommes, alors que les prophètes auparavant étaient uniquement envoyés à un peuple en particulier, comme c'est mentionné par l'imam al-Bukhari et Muslim dans le Sahih. Et dans une autre narration, ça dit: j'étais envoyé au rouge et au noir, c'est-à-dire pour dire qu'il a été envoyé à tous les peuples sur terre sans distinction. Donc c'est une religion pour tous les peuples, contrairement aux messagers, aux prophètes qui ont été envoyés auparavant, ils étaient uniquement envoyés à un seul peuple, à leur peuple en particulier. Qu'est-ce que le cheikh a expliqué par rapport au terme mentionné dans le hadith, lam tahil? يعني à propos du butin. لم تحل يعني يجوز ضم التاء وفتح الحاء. لم تحل يعني على البناء للمفعول. ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر. Donc on peut dire لم تحل ou لم تحل. Les deux sont permis, mais le plus connu c'est لم تحل. Il dit le sens général de ce hadith. Il dit خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال بخصال بخصال شرف وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الميمون شيء من هذه الفضائل والمكارم. Donc il dit que notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a été donné certaines choses parmi des caractéristiques de noblesse et des choses louables qui lui ont été particulières et qui n'ont pas été données à des prophètes avant lui. Et donc, à cause de ça, yani, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc été touchée par cette bénédiction et par ses mérites et ses belles caractéristiques de noblesse. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويقل جمعهم. نعم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى. Donc le cheikh il dit que parmi ces caractéristiques là, donc les cinq caractéristiques, les nobles caractéristiques mentionnées dans ce hadith sont les suivantes. La première, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire et a supporté son prophète contre ses ennemis en mettant chez ses ennemis une crainte et une peur qui les affaiblit et qui les divise dans leur rang et qui diminue leur rassemblement. Et en même temps, il dit que même si la distance qui sépare le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses ennemis-là est une distance d'un mois, et ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui donne son support et sa victoire. Et ça c'est pour en même temps écraser et humilier les ennemis de sa religion. Il n'y a pas de doute que c'est une aide immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيها أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيع وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء منها طهورا ومثله العجز عن استعماله لضراره. Donc le cheikh il explique que comme deuxième point parmi les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues qui lui sont spécifiques, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour cette umma, la terre en entier soit une mosquée ou un lieu de prière. Donc peu importe où ils se trouvent au moment de la salat, ils peuvent prier et ils ne sont pas restreints à un endroit spécifique pour faire la salat. Contrairement à ceux qui étaient auparavant, ils ne pouvaient établir leurs adorations que dans des églises ou dans des synagogues ou des choses comme ça. Et donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a retiré la difficulté la gêne qu'il y avait donc à cette umma. Et ça, c'est par la grâce d'Allah et par sa bienveillance et par sa générosité et sa faveur. De même que également auparavant, avant cette umma, les gens ne pouvaient se purifier que par de l'eau, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que pour cette umma, on peut se purifier également par de la terre s'il n'y a pas d'eau, ou si l'utilisation de l'eau est nuisible ou elle peut nous causer du tort. Donc dans ce cas-là, on peut se purifier avec de la terre. Et ensuite, comme quatrième explication, c'est que yani, les butins, il dit أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأمته يعني يقتسمونها على ما بين الله بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم حيث كانوا يجمعونها فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. Donc, Cheikh, il dit que les butins qui sont pris de la part des, yani, qui sont pris chez les kuffars, hein, et des kuffars et des combattants, ça c'est licite pour ce prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Et il sépare ces butins selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Tandis que auparavant, c'était interdit aux prophètes et aux nations précédentes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient des butins durant la guerre? Ils réunissaient les butins et un feu descendait du ciel pour brûler le butin en question, si ce butin était accepté. Quatrièmement, رابعها أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش فيمجد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله فيقال اشفع تشفع واسأل تعطى وسل تعطى تعطه حينئذ يسأل الله أو نعم حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. Quatrièmement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné en particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de spécifique, de particulier, et c'est ce qu'on appelle en arabe le maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le statut de gloire, hein, et la grande intercession au jour de la résurrection. Et c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam car tous les autres messagers, les grands messagers, vont s'en excuser au jour de la résurrection, hein, lorsque les gens vont attendre le jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, va dire, c'est moi qui est là pour cette intercession-là. Je suis là pour cette intercession. Et à ce moment-là, il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va glorifier Allah par des glorifications qu'il mérite. Et Allah va lui dire, ou bien on va lui dire, à ce moment, tu peux intercéder. Tu peux intercéder. Et on acceptera ton intercession. Et à ce moment-là, il va demander. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, intercède et demande et on te donnera. Et donc, à ce moment-là, il va demander à Allah l'intercession pour les créatures. Et c'est à ce moment-là aussi que Allah subhanahu wa ta'ala va commencer le jugement entre les créatures. Et c'est une délivrance pour tout le monde parce que l'attente était très très longue. L'attente de ce jugement était très longue. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ce moment ou cette intercession la position de gloire ou le statut de gloire parce que tous les hommes vont être reconnaissants pour ça. Vont remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement avoir intercédé en leur faveur par rapport à cette longue attente. Et le cinquième point, c'est يعني أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم وقد جعل الله في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان لما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة ولأنها لا تحتاج إلى زيادة لا فيها ولا فيها نقص وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. Donc le cheikh il explique que comme cinquième point que chaque prophète précédent avait comme particularité avant qu'ils venaient uniquement pour appeler leur peuple à eux. Leur appel et leur invitation se limitaient uniquement à leur peuple spécifiquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message soit complet et universel pour tous les hommes et que sa législation soit une constitution éternelle pour jusqu'à la fin des temps et que sa loi soit la loi pour tous les êtres humains et que ce soit une loi qui reste et qui va continuer à être appliquée jusqu'à la fin des temps et peu importe la différence d'origine ou d'origine des gens ou de quel endroit ils sont, de quelle ethnie, de quel endroit sur terre, c'est une révélation qui s'applique à tous les hommes sans exception, peu importe où ils sont, peu importe même si c'est un endroit éloigné, cette charia, cette loi divine, elle est valable et applicable à toute époque et en tout lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette législation tout ce qui est nécessaire pour régler les problèmes et les questions des hommes. Et elle est complète et elle a en elle-même tous les éléments des fondements de pour rester et être applicable jusqu'à la fin des temps. Il dit وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. Le cheikh il mentionne 9 points parmi les choses qui peuvent être mentionnées par rapport à ce hadith. Et on va les lire ensemble. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il mentionne par rapport à ce hadith? Naam. Donc, les neuf points, voici les neuf points que le cheikh a mentionnés. Il dit, « وَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ وَفِيهِ فَوَائِدَ جَمَّةٌ وَنَقْتَصِرُ عَلَى الْبَارِزَةِ مِنْهَا » C'est un hadith immense dans sa signification et avec plein de points bénéfiques, mais on va mentionner les plus apparents. Premièrement, تفصيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أو تفضيل نعم تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وتفضيل أمته تفضيل أمته على سائر الأمم. Donc le fait que le prophète, notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a été préféré sur tous les autres prophètes et sa umma a été préférée sur toutes les autres nations. Le deuxième point, ta'did ni'amillah 'ala al-'abd wa in dhakaraha 'ala wajhi ash-shukri wa dhakara ala'ahu yu'addu 'ibada wa shukran lillah. Donc il dit le fait de mentionner toutes les grâces et de les énumérer, hein, toutes les grâces que Allah a fait aux serviteurs, même si on les mentionne dans le but de de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner ses bienfaits qu'il nous a donnés, eh bien ça c'est comme une forme d'adoration et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وأحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا كل هذا من خصائصه وقد وقد عدت خصائصه فكانت سبع عشرة خصلة وهي عند الصنعاني 21 ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a reçu le fait de mettre la peur ou de donner la peur à l'ennemi, hein? Et également on lui a permis le butin. Et il a été envoyé à tous les hommes sur terre, sans exception. Et on lui a donné la shafa'a et on a fait pour lui la terre un lieu de prière et de purification, une source de purification. Puis également, donc il y a d'autres caractéristiques aussi qui ne sont pas mentionnées dans ce hadith-là, mais qui sont mentionnées dans d'autres hadiths. Et certains ulama les ont mentionnés. Ils les ont calculés et rassemblés et calculés. Donc, certains ont mentionné 17 caractéristiques, d'autres ont mentionné 20 et d'autres ont mentionné plus que cela. Donc, c'est pas seulement les 5 qui sont les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith-là, on en mentionne 5, mais c'est possible d'en ramener d'autres également. Le point numéro 4, « Anna sihhat as-salat la tartassu bi buq'atin duna ukhra » La validité de la salat, ce n'est pas limité à faire la prière dans un endroit plus qu'une autre. Partout où tu pries, du moment que l'endroit où tu pries c'est pur, eh ben, ta prière sera acceptée et valable. Naam. Le cinquième point, أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم. Donc il dit que à la base la terre elle est pure et elle est pure, donc on peut prier dessus puis on peut faire le tayammum avec. Point numéro 6, أن كل أرض صالحة ليتيمم منها, que toute terre est propice à ce qu'on fasse le tayammum avec. À moins que ce soit une terre qui est souillée par des impuretés, hein, bien entendu. Et le point numéro 7, سعة هذه الشريعة وعظمتها لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. Il dit là, on voit ici là à quel point la charia elle est grande et vaste du fait qu'elle a été établie et elle a été rendue de la, par Allah subhanahu wa ta'ala un système ou une loi qui organise le monde entier dans les adorations et dans les interactions entre les hommes et dans les différentes contrées, même si elles sont éloignées. Et donc ça c'est un aspect qui est important à comprendre, c'est que on a comme obligation en tant que serviteur d'Allah, en tant que croyant, de vivre selon la révélation d'Allah et de l'appliquer dans nos vies sur tous les plans, pas seulement dans les questions spirituelles et religieuses dans le sens de la prière et de l'adoration, du jeûne et autres, mais également dans tous les différents aspects de la vie de tous les jours et tous les différents domaines de la vie, que ce soit politique, économique, social ou autre. Et bien entendu, l'islam c'est une religion qui rejette et qui oppose toute forme de laïcité, puisque c'est considéré la laïcité comme une forme de mécréance, hein, quelque chose qui oppose l'islam. Et c'est pas vrai ce que certains parmi les hizbiyyin mentionnent parfois, lorsqu'ils parlent de l'islam, ils disent l'islam accepte la laïcité, et ils disent la laïcité elle est mal comprise dans les pays musulmans, parce que dans les pays musulmans elle est interprétée comme étant une opposition à la religion, alors que en France puis dans les pays européens ou occidentaux, la laïcité signifie d'être neutre ou d'être égal envers toutes les religions, puis de protéger soi-disant les religions et la liberté religieuse de toutes les croyances. Donc ils pensent que en disant ça, ben ça fait que qu'il y a une laïcité ou une compréhension de ou une interprétation de la laïcité qui ferait que elle serait en accord ou correcte avec l'islam, ou que l'islam accepterait cette laïcité là. Mais il n'y a pas de doute que c'est un grave mensonge et que c'est faux. Il n'y a pas de laïcité qui est acceptée par l'islam, qu'elle soit anti-religieuse ou qu'elle soit soi-disant pratiquée ou appliquée au nom d'une certaine soi-disant neutralité entre les croyances. Dans toutes ces différentes formes, la laïcité est rejetée complètement par l'islam et c'est considéré comme une forme de mécréance même. C'est pas toléré, c'est pas accepté par la religion musulmane, puisque la religion musulmane c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la seule que Allah accepte, et il ordonne aux musulmans de l'appliquer et de faire en sorte qu'elle soit au-dessus de toute autre religion. Et donc on a le devoir également d'appeler toute l'humanité à l'adoration d'Allah seul et de rejeter et de les appeler à rejeter et à renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, et de rejeter et de condamner toute forme d'idolâtrie et de mécréance. Et la laïcité elle enseigne le contraire, de mettre à égalité toutes les divinités, qu'elles soient vraies ou fausses, hein. Et on sait que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, puisque c'est de l'adoration des créatures au lieu d'adorer le créateur, ou la négation de l'existence même de Dieu, comme par exemple pour l'athéisme. Ayant dit ça, on va continuer maintenant les deux derniers points que le cheikh a mentionné. قَوْلُهُ أَيُّمَا رَجُلٍ لَا يُرَادُ بِهِ جِنْسَ الرِّجَالِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا يُرَادُ أَمْثَالُهُ مِنَ النِّسَاءِ أَيْضًا لِأَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout homme qui est sur la terre, quelque part sur la terre, et que il est quelque part au moment où, entre le temps de la prière, alors qu'il prie, là où il est, parce que la terre a été faite pour moi un lieu de prière et une source de purification, ça ne veut pas seulement dire les hommes, comme le sexe mâle, mais ça veut dire l'homme dans le sens de l'humanité, que ce soit un homme ou une femme aussi, parce que les femmes sont les sœurs des hommes. Les femmes sont les sœurs des hommes. Et les règles de la religion s'appliquent autant aux hommes qu'aux femmes. Hein? Et après, il dit ensuite, le point numéro 9, « قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. » Donc il cite comme neuvième point la mention de la parole de As-Sanani qui dit que il a spécifié la distance d'un mois, hein, et non pas une distance plus loin que ça, parce que il n'y avait personne qui avait exprimé ou montré une opposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a au-delà de cette distance-là. Wallahu ta'ala a'lam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.